Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno qu'on essaie d'apporter à un autre niveau. Daniel Carosella avec vous cette semaine en remplacement de JB qui est perdu dans les, je sais pas, les limbes de ce monde. Ouais. Je sais pas. Les bas-fonds de Gatineau. Ah, ouais, j'aimerais pas ça aller là. Oui, donc cette semaine, ben, vous aurez reconnu Luc qui est avec moi. Salut! Hello Luc! Hello! Et Jonathan qui est comme la voix qu'on entend des fois en arrière. Salut! Ah, ça, j'ai pas aimé ça, c'était salut. Non, c'était un peu allô. Trop. Bonjour, les amis. cette semaine sur le show, en fait, on a quand même un pas pire show. Ouais, pas pire est toujours le mot de circonstance pour le show. Ouais, c'est correct. Ça laisse les attentes sont moins hautes. Les attentes sont moins hautes dans ce temps-là. Si tu dis aujourd'hui on a un show écœurant, finalement c'est juste so-so. T'sais. Quand tu dis on va avoir un pas pire show, ben le monde s'attend à avoir du pas pire. Ben, je veux pas dire qu'on a un excellent show parce que justement je veux pas décevoir. Je veux pas dire qu'on a un mauvais show non plus parce que il faut bien se motiver à en faire d'autres. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, le monde ferait juste stop ou changerait de poste s'il écoute la radio internet, il irait faire d'autres choses. Fait que non, c'est comme ça. Fait que oui, cette semaine, en fait, on va vous parler de deux sujets qui touchent Nintendo. Puis on va vous parler aussi d'un jeu d'horreur qui est ben, pas très longtemps parce qu'on va y revenir dans un show ultérieur, donc dans un prochain show. Un jeu d'horreur qui est paru il y a pas très longtemps, puis qui était attendu, puis qui est pas mal bon. Oui. Luc, ben toi, tu vas continuer dans ta lignée d'émulateurs. Ouais, ouais. Moi, je vais parler aujourd'hui d'un émulateur qui porte le nom d'une fille. Oui, oui, ouais. Oui. Mais Marie-Ève. Pas nécessairement coquette. Sophie. Non, c'est pas Joanne, c'est pas Sophie, c'est pas Annie, Nicole. C'est pas Germaine. Non, vous allez voir ça tout à l'heure. Lâche les noms de filles, là. Ah ouais. On verra ça tantôt. Tout ça pour dire que avant de commencer au niveau des chroniques, vous avez probablement vu, su, en tout cas ça dépend. Si vous êtes abonné Xbox Live, vous l'avez su parce que on vous a envoyé un courriel, mais l'abonnement à Xbox Live Gold va augmenter de 10$ à partir de je me rappelle plus quand, mais c'est très prochainement. 28 février, je pense. C'est comme c'est ça, la dernière journée du mois de février. Là. Ça s'en vient là, dans un mois à peu près là. Puis là, ça s'est insurgé sur Internet. Non, mon Dieu, t'es carrant, c'est épouvantable, mais faut pas oublier que c'est la première hausse de prix en 10 ans. Ouais. C'est-tu essentiel, Xbox Live, à ce que je sache? C'est-tu comme manger, boire? Ben, après manger, boire, pas mal. OK. Oui. Non, c'est parce que je veux dire, tu peux vivre ouais, sans ça. Tu sais, théoriquement, moi, j'ai mon abonnement Xbox Live pour jouer en ligne là, vraiment une fois de temps en temps, mais très rarement. Mais c'est pour les jeux, en gros guillemets, gratuits. À chaque mois qu'ils donnent avec ton abonnement Xbox Live. Là. Fait que c'est un peu pour ça. Là. Pour le reste, je veux dire, je m'en sers pas tant que ça. Là. Fait que la journée que le montant va venir trop élevé, puis que dans mon livre à moi, ça vaudra pas à peine, mais je ferai juste pas plus m'abonner, c'est tout. Ah, c'est ça. C'est pas je me suis pas réabonné. Mon abonnement a fini le 28 décembre. Je me suis pas réabonné encore, mais... Tu sais, puis de toute façon, avec... Microsoft a quand même remonté la pente au niveau des jeux offerts là, à chaque mois. Puis tu rentres quand même dans ton argent là, avec la sélection qu'il y a. Ouais. Fait que, comme tu dis, c'est pas une augmentation à chaque année. Là. C'est la première. C'est majoritairement dû au fait que notre dollar vaut rien. Là, C'est vraiment plus ça, parce qu'on était au pair avec les États-Unis, c'était le même prix ici aux États-Unis. Puis là, faut pas capoter non plus, là. Au pire des pires, là, vous avez une carte Costco, vous avez un ami qui a une carte Costco, ben, demandez-y de vous commander un abonnement Xbox Live en ligne, qui est déjà de toute façon moins cher, là. Moi, je pense que la dernière fois, je me suis acheté un abonnement à Xbox Live. Je pense qu'il était à 45$ ou 44$. Mais achetez-en deux. Ben puis ouais, c'est ça. Activez-les les deux en même temps. Puis vous allez voir que votre abonnement va être bon pour 2 ans dans votre compte. Vous pouvez les acheter tout de suite puis les activer. Puis votre abonnement, votre nouvel abonnement va automatiquement rentrer en effectif la journée que votre hôte va être échu. Fait que moi, j'ai un ami, il a vendu sa Xbox One, puis c'était acheté un Xbox Live de 12 mois. Il me l'a donné, je l'ai activé, puis j'étais bon pour 2 ans, parce que je venais de renouveler. Fait que si vous avez peur de l'augmentation, magasinez tout de suite le meilleur prix que vous pouvez trouver pour un abonnement Xbox Live. C'est pas le 59$ sur le store de Microsoft. Là, normalement, vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Achetez-en deux. Oui, ça va vous coûter le double tout de suite, mais au bout de la ligne, vous allez avoir sauvé 20$. Puis on parle de quoi? On parle d'augmentation genre de 75 cents par mois? À peu près. C'est pas mortel. Si vous en servez à tous les jours pour jouer avec vos amis, là, je veux dire, 10$ de plus, c'est pas mortel. Ça paraît énorme, là, mais c'est pas... Ça paraît énorme sur le coût, mais quand tu le divises sur le temps, c'est pas super. C'est pas un service essentiel. On peut survivre sans. Ouais, tu sais, je pourrais pas survivre sans bouffe, là, mais sans... Ça, Xbox Live, puis surtout pour 10$ de plus par année, je pense qu'en tout cas, tu sais, c'est ça, il y a eu beaucoup de chiage, mais ça c'est typique. Hein? Dès que tu as une augmentation, peu importe laquelle, ça part. Ouais, mais on chiale sur le prix des jeux aussi, mais je me rappelle quand j'achetais des jeux dans mon jeune temps pour mon Atari 2600, là, c'était 50$ pareil un jeu, là. Puis on n'avait pas la qualité des jeux qu'on a aujourd'hui. Là. Fait que, par rapport à dans le temps, les jeux n'ont pas nécessairement beaucoup augmenté non plus. Il y a une augmentation des jeux aussi encore cette année. Les jeux qu'on payait à 69 sont rendus 79. Ouais. Fait que c'est la même chose pour l'Xbox Live. Les jeux ils ont une tendance à baisser de prix, je trouve, en tout cas. Je sais pas si c'est vraiment une tendance, mais vraiment plus vite. Là. Ouais. À Noël, tu trouvais les... T'sais, j'ai acheté Titanfall à 40$ là, dans le temps de Noël. Là. Ben, ouais. Skylanders Imaginators était à 50$ dans le temps du Black Friday. Ouais. J'ai payé 44$ à la sortie, mais t'sais, après ça, ça baisse vraiment vite. Là, vraiment, vraiment. Là, ben ouais. C'est pas si pire. Puis il y a des tendances aussi. T'sais, tout le monde qui veut acheter NHL ou les jeux d'EA Sports, là, ben, à Noël, ils descendent toujours de prix. Il y a toujours une vente de jeux d'EA Sports à Noël. Fait que si vous êtes un peu patient, vous voulez pas l'avoir nécessairement à sortie, puis vous êtes capable de toffer votre NHL 2017 pour 2 mois de plus, 2-3 mois de plus, puis le payer moins cher à Noël, faites-le. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui veut l'avoir à la sortie, ben, ça se paye. Ah, ben, écoute, attends, check bien le lien, là. J'ai fait une entorse à ce que je fais d'habitude. J'ai acheté un jeu plein prix. D'habitude, je fais pas ça, j'attends. Qui est Resident Evil 7. Yay! Oui, c'est ça. On fera pas une critique. Vraiment pas, parce que j'y ai vraiment pas assez joué. Ouais. Mais Joe, toi, tu y as joué sur PS4. Oui. Avec le VR. Oui. Tu aimais ça? Oui. Parce que, sérieusement, là, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Puis j'ai fait, OK, si je joue en VR, je vais pisser à mes culottes, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je suivais beaucoup les vidéos sur Internet qui disaient de commencer le normal, puis refaites les tableaux en VR. Comme ça, vous savez où est-ce qu'il va y avoir des sauts. Ouais. Parlant de vidéos sur Internet, as-tu vu celui où c'est vraiment drôle, parce que je sais pas qui l'a posté, j'ai vu ça passer sur Facebook, où la personne rentre comme dans une cuisine, puis là, il voit comme un ombrage ou comme une petite fille qui a l'air, tu sais, démoniaque passer plus loin en arrière d'un mur, puis elle s'en va comme en arrière dans un autre corridor. Puis là, tu vois juste « quit »,« yes », puis ça, le jeu. C'est ça. C'est comme « ah, puis de la chenoute ». Moi, je joue pas à ça, j'ai pas le goût de pisser dans mes culottes. Je l'ai fait, ce petit bout-là. En fait, j'ai joué une heure, là, tu sais, je suis rentré dans... Ça, pour les adeptes, là, ça revient, ils reviennent à la source avec celui-là, là, tu sais, donc on revient dans une maison. Puis, la VR, qu'est-ce qu'elle apporte, c'est fou. Premièrement, c'est le premier, je dirais, vrai jeu VR, là. Tu sais, les autres, c'est des expériences, il y en avait des plus longues que d'autres, mais lui, on parle d'une quinzaine d'heures. Le fait de jouer à la première personne... Quand j'avais parlé de Robinson, de Journey, il me donnait mal au cœur. Celui-là, zéro. Mais zéro, zéro, zéro. zéro motion sickness qu'il appelle, pas de sueur, pas rien, il est vraiment bien fait, puis il fait peur. Mais vraiment, là, moi, je ne l'ai pas fait en normal. Le tableau que j'ai fait, je n'ai pas fait en normal, j'ai fait tout de suite en VR. Parce que ça Jonathan, pas... c'est un homme avec un H majuscule. Ben, c'est ça, je sais pas si je vais le toffer au complet, parce qu'à un moment donné, j'ai enlevé un des écouteurs. T'sais, je voulais entendre le bruit ambiant, là, parce que je voulais pas trop être enfermé dans mon casque. Parce que vraiment, là, ça commence justement dans une cuisine, dans une maison. Puis ce que ça apporte, le VR, c'est que quand tu arrives proche d'une porte, ben, tu l'ouvres. Dans le jeu, ben, tu avances, tu traverses la porte. Mais là, avec le VR, j'ouvre la porte tranquillement. Mais tu sais, je me penche physiquement la tête, puis je regarde dans le corridor, je fais « Y a-tu quelqu'un? » Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde au plafond. Mais quand les personnes arrivent, là, puis qu'ils te font peur, ils te font peur. Là. Ouais, t'sais, les Baker. Il va te sauter là, dans face. Là. Tu sais, quand t'es revirant, t'entends les pas en arrière de toi. Là. Fait que physiquement, tu peux y aller avec ta gâchette pour tourner, mais physiquement, tu peux aussi te retourner sur ta chaise. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis quand l'autre, il y a une pelle en arrière de toi, ben ça fait peur. Ben, c'est ça que j'ai remarqué dans le jeu. Tu sais, j'ai vraiment pas beaucoup joué. Je pense que j'ai joué autant que toi. Oh, oui. Mais à un moment donné, c'est que c'est pas juste les bruits. Parce que t'en as, là, t'as tout le temps comme des craquements, whatever. Là. Mm-hmm. Mais l'affaire qui arrive, c'est que sont fous, là, cette famille-là. Puis je me rappelle, là, puis, j'ai pas envie de trop dévoiler non plus, là, mais le patriarche, là, il est juste malade mental. Là. Il défonce sa maison là, pour aller te pogner. Là. Fait que, puis tu sais, c'est ça, c'est que tu sais jamais quand il va sortir, tu sais jamais quand tu vas te faire poursuivre. Fait que, tu sais, c'est ça. Là-dessus, là, on n'est pas comme dans un jeu de plus d'action comme les trois derniers Resident Evil. Non, là, on est plus dans la tension. Puis tu sais, la VR, quand tu te retrouves dans un endroit, tu sais, sous les marches ou dans l'eau, mon ami, tu sens vraiment, là, tu sens que tu es en dessous puis que tu es confiné. Là. Tu sens les murs proches de toi, tu regardes, tu fais, voyons, j'ai pas beaucoup de place. Puis à un moment donné, tu te promènes un peu dans l'eau. Mais t'as l'eau à la hauteur de tu sais, comme des yeux, là, comme si t'étais vraiment à la moitié dans l'eau, là. Tu sais, tu te revires, t'es comme, tu sais, un peu plus, puis je me lançais de l'eau d'en face pour être sûr que j'étais mouillé, là. Tu sais, à force que t'as vraiment l'impression d'être dans l'eau, mais tu joues pas avec les PS Move, tu joues vraiment avec la manette, puis ça se fait bien. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un téléphone qui sonne, mais là, physiquement, tu t'en vas vers le téléphone, tu fais... OK, je le décroche-tu, là, ce téléphone-là, là, puis là, quand tu te le mets proche de l'oreille, mais c'est vraiment ton oreille droite, tu sais, qui va te parler, puis... Ah non, c'est génial. T'as-tu la chienne quand... Puis on va terminer là-dessus, ouais. Là. T'as-tu la chienne quand, justement, tu voyais le téléphone, puis là, tout d'un coup, là, ça se met à varger dans la porte, ah, et toi, c'est... évidemment, intelligent comme tu es, tu ouvres la porte et tu descends dans le sous-sol. Mais oui, c'est sûr. Écoute... Il y a plein de... Puis, tu sais, je vous l'ai dit, on va en reparler dans un show ultérieur, mais il y a plein de références à des films d'horreur classiques. Là-dedans, j'ai vu un peu de The Grudge. Il y a beaucoup de Texas Chainsaw Massacre. Ah, ben oui. Il y a plein de... Ben, en tout cas, il y a plein d'inspirations de films d'horreur. Juste assis à la table, quand tu étais assis à la table, puis il veut te faire manger ce qu'il mange. Là. Ouais. Vraiment, avec le VR, là, il te la met d'en face. Là, tu vas-tu manger? Puis là, il te donne des coups, mais t'es comme, OK, calme-toi. Vraiment, ah ouais. Là, t'as le bonhomme d'en face. Fait, vraiment, là, ceux qui ont le VR, c'est un achat. Si vous n'aimez pas les jeux d'horreur, c'est un achat pareil. Arrangez-vous pour jouer, je sais pas, avec pas d'oreillette. Juste regarder, c'est malade. C'est malade, là, c'est le meilleur jeu. Si le VR s'en va comme ça, c'est fou. C'est fou, vraiment, là. Tu compris, Luc? C'est fou. C'est fou. C'est 700 pièces fou, je suis pas sûr, mais ça a l'air fou. Ouais. Oui. Évidemment, je l'ai acheté sur One. Juste pour pas évidemment. Que ça me tente d'aller chercher juste le kit en plus. Ouais, non, mais j'ai pas le PlayStation VR. Je l'avais essayé, là, puis, mais je l'ai pas, puis je l'ai pas acheté. Puis c'est pas dans mes plans non plus. En tout cas, pas à court terme. Ouais. Pas encore. Mais Jonathan, c'est le riche de la gang. Oui. Il s'est commandé deux Switch. Ouais, j'ai deux Switch, j'ai commandé. Ben, c'est pas pour moi les deux, là, on s'entend. Ben, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je n'ai commandé une au microplay. Là, le gars, il me dit, on sait pas combien qu'on va en avoir. Je dis, OK, mais tu sais, j'étais dans les premiers. Après ça, j'ai réussi à en commander une sur Best Buy. Puis là, j'étais sûr de l'avoir. J'ai gardé ma précommande de Best Buy. Si j'ai celle de Microplay, ben l'autre, je la réserve pour un ami. Mais il n'est pas sûr de la prendre. S'il ne la prend pas, je vais la retourner au magasin. Je ne vais pas faire ni de revente ni rien. Soit je vais l'offrir à quelqu'un dans le Facebook pour le même prix que j'ai payé, ou soit je vais aller la reporter au Best Buy à côté. Là. Donc, il n'y a pas. Fait que s'il y en a un qui s'en cherche une puis que j'en ai deux, ben, je vais l'offrir au prix avec la facture, ou sinon je la retourne. Là. C'était pour être sûr d'en avoir une. Ouais. Quand tu veux quelque chose, ouais. Tu veux quelque chose. Hein? C'est Joe. Ouais, Monsieur Amiibo. Qu'est-ce qu'on fait? Luc, tu veux-tu parler de ton émulateur tout de suite? Ah, ça me dérange pas. Moi, je peux aller avec ça. Je vais vous parler d'un émulateur qui, pour moi, me fait revivre mon enfance. Ce qui est peu dire. Ça fait quand même assez longtemps. Oui, qui est loin. Donc, c'est un émulateur qui s'appelle Daphné. C'est quoi Daphné? Daphné, c'est l'émulateur qui émule les jeux au disque laser, donc les jeux LaserDisc. Les premiers jeux LaserDisc qui vont vous venir à l'idée si vous avez été dans les arcades dans ces années-là, c'est Dragon's Lair, Space Ace et tout ça. Il y en avait d'autres, il y avait une liste quand même assez exhaustive de jeux qui pouvaient fonctionner avec les LaserDisc. La majorité des grosses compagnies ont essayé les LaserDisc, mais ça n'a pas fonctionné pour tout le monde vraiment. Là, il y a certains jeux qui étaient... Bon, j'imagine dans le temps, c'était vraiment cool, mais ça a vraiment mal vieilli. Là. Il y a vraiment des jeux que j'ai essayé avec l'émulateur que j'avais pas nécessairement eu la chance de jouer à l'arcade ou qui m'avaient vraiment fait triper à l'arcade. Puis quand j'ai rejoué, je me suis dit « Hop! » nos demandes n'étaient pas très très élevées dans ce temps-là, même quand on dépensait des 25 cents. Donc, les jeux les plus connus et les plus simples à rouler sur Daphné, c'est la série de jeux de Don Bluth, donc qui est Dragon's Lair, Dragon's Lair 2, Time Warp et aussi Space Ace. Faut faire ça légalement. C'est un des émulateurs les plus légaux qu'on peut trouver. Et qui pousse vraiment aussi vers la légalité. C'est sûr que les autres vont vous dire « Ah, mais ne téléchargez pas de ROM et jouez seulement au ROM que vous avez, que vous possédez vraiment. » On s'entend que c'est bien beau de l'écrire, mais le trois quarts du monde vont ramasser ces ROMs-là un peu partout sur certains sites et se montrent des NES Mini qui leur coûtent finalement presque rien. Mais pour Dragon's Lair et pour Daphné, c'est un peu différent. C'est que Daphné, bon, les gens qui ont fait l'émulateur Daphné ont une entente avec la compagnie qui est Digital Leisure, qui a acheté les droits de distribution de Dragon's Lair et de Space Ace là, depuis un petit bout de temps. Vous pouvez acheter les DVD de Dragon's Lair et Space Ace pour jouer sur votre télévision. Ça joue avec une télécommande, c'est pas vraiment super le fun. Ça peut jouer aussi sur une Xbox ou sur une PlayStation 2 si vous le mettez dans votre lecteur DVD. J'imagine que ça marche peut-être sur la One. Je l'ai pas essayé encore sur ma One, mais c'est peut-être un peu plus... Ça a été fait vraiment pour la génération des Xbox 360 et tout ça là. PlayStation 3, même PlayStation 2 et Xbox. Donc, si vous achetez, il faut absolument avoir les disques originaux. Mais ce que Daphné va faire, c'est qu'il va juste confirmer que vous avez votre disque. Donc, vous allez mettre, comme moi j'ai acheté le pack de trois jeux, qui est le Dragon's Lair 20e anniversaire, collection 20e anniversaire, qui inclut Dragon's Lair, Dragon's Lair 2 et Space Ace. Donc, mettons, je télécharge Daphné, qui est un émulateur complètement gratuit. Là, faites juste faire une recherche sur Daphné émulateur sur Google, vous allez tomber sur le site, vous le téléchargez, vous l'installez et puis après ça vous allez le démarrer. Puis quand vous allez le démarrer, il va vous donner une liste de jeux. Vraiment, là, il y a une liste beaucoup plus longue de jeux que Dragon's Lair et tout ça, mais il y a des jeux comme Mac 3, des jeux comme Astron Belt, Badlands, il y a un jeu Cliffhanger, il y a un jeu Galaxy Ranger, Grand Prix World qui est un jeu de course là, où on a finalement pris un film de la piste. Donc, il y a des voitures qui ont fait le tour de la piste et on a digitalisé la piste. Mais on vous a mis une voiture, demi-voiture, faite en genre en 8 bits collée là-dessus. Là. Le réalisme prend le bord quand on voit la voiture. Les voitures qu'on met sur la piste, ça n'a comme vraiment aucun bon sens. la vôtre et les autres. Mais tu sais, on s'entend que c'est des jeux qui datent des années 80, là, fait que les graphismes n'étaient pas super élevés, mais l'environnement est joli parce que l'environnement, c'est un film, c'est réel. T'sais. Tandis que Dragon's Lair, ben, c'est tout du dessin à la main. Mac 3, qui est un jeu d'aviation, on était un avion, puis on avait le choix d'être un bombardier. Donc, d'avoir une vue du dessus de notre avion et détruire des cibles en bombardant, ou on pouvait être un chasseur, puis on voyait une vue de l'arrière de l'avion, et puis on détruisait des cibles qui nous apparaissaient un peu comme, si on regarde les films, là, les avions détectent les cibles, puis font un petit carré alentour, bon, ben, on voyait ça comme ça. C'était quand même intéressant. L'avion était bien rendu au moins, puis les décors étaient super beaux parce que c'était comme désertique, puis on avait vraiment les bases, les avions ennemis. Les tanks ennemis étaient tous rajoutés en graphique ordinateur, donc c'était pas visuellement, pareil partout, mais c'était quand même intéressant. Un des pires, c'était Astron Belt, qui est un jeu de tir spatial, où on est un vaisseau dans l'espace et on change de niveau un peu partout, mais là, on a l'impression que par bout, on est dans Star Wars parce qu'on passe à travers des astéroïdes, puis là, il faut détruire des vaisseaux là-dedans. D'autre bout, on est vraiment proche d'une planète. Après ça, on est dans l'espace. Puis là, on tirait vraiment partout dans l'espoir de pogner quelque chose parce que viser, c'était presque impossible. Ça passait trop vite. Puis à un moment donné, tu tirais complètement dans le vide, puis là, tu avais une grosse explosion, puis on te faisait croire que tu avais pogné un vaisseau. C'était vraiment mal fait dans le temps. C'était beau visuellement pour les années, mais c'était ordinaire. Aujourd'hui, tout est ordinaire. Dans le temps, c'était beau visuellement, mais le jeu était plate à jouer pareil. Mais vraiment, là, pour Daphné, on va se concentrer sur Dragon's Lair, Dragon's Lair 2 et puis Space Ace. Comme je vous dis, ça vous prend les DVD originaux. Donc, ça va vous prendre le jeu. Il y a certaines versions du jeu. Quand vous allez partir Daphné pour commencer, il va vous dire, quand vous allez cliquer, mettons, sur Dragon's Lair, il va vous dire les versions du jeu qui sont éligibles pour l'installation de votre de Dragon's Lair, Dragon's Lair 2 ou Space Ace. Fait que, mettons, vous allez cliquer sur Dragon's Lair. Il va vous dire, bon, vous avez telle version. La version 20e anniversaire de Dragon's Lair est inclue dans les versions qui sont éligibles. Donc, vous allez choisir ça. Il va vous demander d'insérer le disque dans votre lecteur DVD. Donc, moi, je mets le disque du premier Dragon's Lair dans mon lecteur DVD. Il va valider, fait qu'il va regarder, ah oui, ça, c'est le disque original, là, t'as les fichiers, c'est beau. Puis après ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à un serveur, puis il va télécharger pas la version remasterisée qu'on a sur notre disque, mais il va vraiment télécharger la version LaserDisc, la version disque laser originale de l'arcade. Donc, le jeu Dragon's Lair a été fait, refait et re-refait. Il y a des versions sur. Il y a une version de Dragon's Lair sur Super Nintendo. Ça n'a aucun rapport de Dragon's Lair à part le nom et le personnage principal. Les mécaniques de jeu sont totalement différentes. C'est un side-scroller. C'est pas un jeu film comme vraiment Dragon's Lair. Ça a été refait de différentes manières. Mais là, c'est vraiment. On télécharge la version originale du disque laser avec les imperfections qu'il y avait dans le temps, les lags entre chaque scène qu'il y avait dans le temps. Les espèces d'imperfections aussi où des fois tu choisissais la mauvaise chose puis tu allais mourir, mais on te montrait quand même juste une fraction de seconde de la scène de succès quand tu passes à la prochaine étape, mais là, ça passait à la scène où tu mourais, c'était pas parfait. Ben, on retrouve ça vraiment dans la version Daphné quand on télécharge la version arcade. Donc, le jeu va télécharger tous les fichiers nécessaires sur votre ordinateur. Puis après ça, vous allez pouvoir partir le jeu et jouer vraiment à la version arcade du jeu, la version originale. Ceux qui ont juste joué à la version maison de Dragon's Lair, dans la version arcade, la première scène du pont-levis n'existe pas. La scène du pont-levis a été rajoutée pour la version maison de Dragon's Lair. La version arcade de Dragon's Lair n'a pas cette scène-là où on avance sur le pont-levis, puis là, il y a un trou qui se fait, on se ramasse à presque tomber dans l'eau avec les bébites qui nous attaquent, il faut swinguer notre épée. C'est pas dans la version arcade, ça a été rajouté dans la version maison. Donc, on commence tout de suite avec l'entrée de Dirk dans le château, puis après ça, ben, la première scène que le jeu décide de nous donner. Puis les scènes changent toujours aussi. La version maison, vous mourrez, vous recommencez la même scène. Vous mourrez, vous recommencez la même scène. La version arcade, c'est aléatoire. Donc, vous mourrez dans, je sais pas moi, la scène où on saute, puis on tombe sur une plateforme, puis il faut sauter sur un pont pour rentrer, puis s'en aller. Si on manque notre coup, ben, on tombe dans le trou, puis on meurt. ben vous allez toujours recommencer cette scène-là si vous mourrez. La version arcade, ben c'est vous mourrez cette scène-là, on vous envoie dans une autre scène complètement et non pas nécessairement cette même scène-là. Donc, il y a des petites choses un peu différentes. C'est le même principe pour Dragon's Lair 2 et Space Ace. Ça vous prend vos DVD originales. Vous allez le mettre dans le lecteur. Daphné va confirmer, va télécharger les vraies scènes de la version arcade sur votre ordinateur. Puis après ça, vous pouvez le jouer. Il y a des gens qui jouent ça sur leur ordinateur. Il y a des gens qui jouent ça sur le Raspberry Pi. Comme je vous disais dans une émission plus ancienne, j'ai acheté un Raspberry Pi 1. Le Raspberry Pi 1, j'ai pas essayé Daphné dessus. Ça doit être un peu limite. Le Raspberry Pi 3, j'avais installé Daphné sur les premières versions du Raspberry Pi 3 quand je commençais à faire des tests de qu'est-ce que je voulais installer dessus. Et ça fonctionne très bien sur un Raspberry Pi 3. Donc, si vous voulez vous faire un cabinet d'arcade ou vous voulez vous faire juste une machine d'émulation pour rouler Daphné et les jeux Dragon's Lair, Dragon's Lair 2, Space Ace, vous pouvez faire ça sur un Raspberry Pi 3 si vous voulez. Ça roule très bien, là, c'est pas la machine n'a pas de misère. Sur un ordinateur, il n'y a aucun problème, c'est fluide. Il n'y a pas de manière de configurer une manette, par exemple. Mais ce que Daphné fait, c'est que la première manette qu'il détecte, il va la mapper comme étant votre contrôle. Donc, si vous avez une manette à 6 boutons, ben là, va falloir voir. La première partie, vous allez mourir plus qu'il faut. Parce que là, vous allez essayer de trouver, bon, gauche, droite, au bas, c'est facile. Mais bon, c'est quel bouton que Daphné a décidé de mapper pour être mon épée. C'est-tu le A, c'est-tu le X, c'est-tu le B, c'est-tu l'Y, tu sais, fait qu'il faut le trouver. Fait que là, vous allez mourir, vraiment passer une série de vies pour sortir de là. Puis après ça, ben il y a quel bouton que Daphné a décidé de mapper pour ajouter des crédits. Parce qu'il faut ajouter des 25 sous. Parce que dans ce temps-là, ben on mettait des 25 sous dans la machine. Dans Dragon's Lair, il faut mettre des 25 sous dans la machine pour être capable de jouer quand on joue sous Daphné. Puis après ça, le bouton démarrer pour démarrer votre partie, c'est lequel. Normalement, Daphné map quand même assez bien les manettes. Dans le temps, dans les premières versions de Daphné, il fallait aller jouer avec le code du fichier configuration de Daphné puis essayer de trouver quel bouton était lequel dans sa configuration pour que ça fonctionne puis ajouter ça manuellement. Ils ont amélioré pour qu'ils mappent automatiquement une manette. S'il en détecte une, il va la prendre puis il va la mettre compatible pour jouer à Dragon's Lair. Ça joue aussi avec un clavier, mais jouer à Dragon's Lair avec un clavier, c'est un peu... ça se fait quand même bien parce qu'il n'y a pas de diagonale dans Dragon's Lair. C'est gauche, droite, haut, bas puis épée. Fait que si vous êtes capable de vous mettre ça, configurer confortablement sur un clavier, ça joue aussi avec un clavier parce qu'il n'y a pas de diagonale dans Dragon's Lair, c'est quand même plus simple. Fait que si vous aimez Dragon's Lair, moi je vous le conseille. Moi je suis un fan fini de cette série-là. Le jeu a quand même très bien vieilli parce que c'est un film d'animation. Ceux qui ont vu le film d'animation qui jouait à Télétoon, à un moment donné, il passait ça presque aux deux semaines, qui est de Quest for Camelot. Je me rappelle pas comment ça. Je pense qu'en français, c'est juste Camelot. C'est un dessin animé qui a été fait par Don Bluth. Disons, c'est la même gang. Titan AE, c'est un film de Don Bluth. Donc, c'est un gars qui a travaillé pour Disney, qui a fait de l'animation. Puis à un moment donné, il s'est dit « Hey, un jeu vidéo... » Comme ça serait vraiment cool. Ça se faisait pas dans le temps. Ça a été comme un des premiers. Puis ça a bien vieilli. Le 2 est beaucoup moins bon. Il y a beaucoup de mouvements. C'est pas toujours évident. Le premier, c'est vraiment évident. Tu sais, faut que je m'en aille à gauche, faut que je m'en aille à droite, faut que je descende. Ah, là, c'est mon épée. Le deuxième, c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup plus caricatural. Daphné se fait réenlever par une sorcière. Puis là, t'as la belle-mère énorme. Avec une poitrine cibole, ça à peu près pas de bon sens. Là, elle pourrait tuer Dirk en la tapant entre les deux. Là, c'est vraiment. Mais tu sais, ça a toujours été caricatural aussi. Daphné est la caricature de la blonde typique dans le premier, dans le deuxième, où elle est juste niaiseuse, puis elle veut juste se faire sauver. Il n'y a pas une fille aussi niaiseuse que ça dans la vraie vie. Ben, peut-être la femme de Donald Trump, parce qu'elle a marié Donald Trump, mais lui, il a de l'argent. Mais tu sais, éditorial ici. Mais tu sais, c'est ça. Fait que faut pas vraiment prendre les personnages féminins dans ces jeux-là pour du cash, là, parce que c'est vraiment pas super fort. Mais le jeu Dragon's Lair, puis je le jouais, je l'ai acheté sur la Xbox 360, puis c'est vraiment comme il y a la version maison, il y a la version arcade, mais on n'a pas le vrai look de la version arcade, ça a été retravaillé. Tu sais, quand tu regardes un vieux film, puis tu vois comme dans le film, il y a comme du dommage, là, tu vois des petites lignes noires, ou tu vois que ça a été magané, ben t'as ça dans la version arcade, tandis que dans la version maison, ça a tout été redessiné, ça a tout été remasterisé, fait que c'est beaucoup plus beau, puis on n'a pas ces imperfections-là qui enlèvent un peu le charme du jeu original. Mais je l'ai refaite l'autre jour sur ma Xbox 360, puis je me suis rendu à la scène de la fin où il faut sauver Daphné du dragon. Puis on dirait que, tu sais, quand t'arrives dans un jeu, tu joues un jeu normalement, puis t'arrives au boss final, c'est le combat du siècle. Tu sais, normalement, c'est vraiment la partie la plus difficile et la plus impressionnante du jeu, parce que on a tout mis le paquet pour la finale du jeu. Ben, dans Dragon's Lair, c'est un peu le contraire. C'est quand le combat avec le dragon est un petit peu ordinaire, puis aussitôt que tu vois Daphné qui fait juste rire comme une niaiseuse, tu te dis, j'ai-tu vraiment le goût de la sauver, ou je devrais aller chercher une fille qui a l'air un peu moins niaiseuse que ça? C'est comme, ouais, ok. Mais t'arrives, tu vois. Oh, ouais, c'est, ah, finalement, tout ça pour elle, tu sais. Fait que, mais bon. Mais c'est fait que le jeu tombe un peu à la scène finale. J'ai toujours été déçu un peu de la fin de Dragon's Lair. Mais le jeu en tant que tel, il y a des scènes vraiment mémorables là-dedans, là. Comme le roi lézard qui essaie de t'assommer tout le temps avec son cèpe, puis toi tu te sauves. Puis tu sais, il y a vraiment des belles scènes dans ce jeu-là. Pour moi, c'est un classique. Si vous voulez le jouer sur votre ordinateur, c'est disponible. Mais je vous le dis, oui, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver tous les fichiers pour le jouer. De jouer piraté, mais faites-vous une faveur, si vous êtes vraiment, vraiment amateur de Dragon's Lair, trouvez-vous le kit 20e anniversaire. Là, je l'ai trouvé, moi, il était à 40$. C'est les trois jeux dans un beau coffret. Puis, tu sais, faites-le légal. Là. Faites-vous-le légal, puis vous allez adorer ça. Jouez à Dragon's Lair avec Daphné, avec les images originales, le film original du jeu. C'est une autre espèce de niveau de rejouer à ce jeu-là. Ça ramène vraiment à l'arcade. Tellement que j'ai un projet l'été prochain de monter un cabinet d'arcade Dragon's Lair. Vraiment, ah ouais? la machine, là, puis avec le moniteur puis tout, vraiment monter ça à partir de rien pantoute, à partir de feuilles de plywood. ça va être cool. Ouais. Fait que ça se peut que je puisse plus faire du podcast parce que je vais m'avoir coupé quelques doigts et je serai plus capable d'utiliser un ordinateur avec la souris. Parce que moi puis la menuiserie. Une fois les doigts coupés, tu vas nous la donner puis tu vas plus jouer. Non, ouais, parce que moi puis la menuiserie, tu sais. Mais tu vas nous inviter aussi. Ah oui, vous viendrez voir. Un coup, ça sera complété, vous viendrez voir ça. Je mets peut-être une invitation. Ben oui, un coup, ça sera complété, vous viendrez voir ça. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup de. Si ça vous intéresse, faites des recherches YouTube. Il y a un gars qui s'appelle ETA Prime, un autre gars qui s'appelle Simply Austin. Oui, c'est en anglais, mais ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Ils vont vous. Ils passent pas à pas comment installer Daphné sur un ordinateur, comment copier l'installation de Daphné sur un Raspberry Pi 3. Parce qu'on n'a pas besoin de tous les fichiers, on a besoin vraiment. Le premier Dragon's Lair, on a juste besoin de quelques fichiers spécifiques pour copier ça sur votre Raspberry Pi 3. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fini. Je vais me faire chicaner parce que je parle trop longtemps de choses pas intéressantes. Fait que, Danny Boy, je remets ça entre tes mains. Parce qu'on a des sujets. Oui, ouais, je sais. Non, mais on a déjà passé 2 sur 3. Fait que, non, en fait, c'est 2 sur 4. Ah, OK, c'est correct. Ben, OK, on enchaîne d'abord. Go, go, go, go. Je vais laisser Joe y aller avec. En fait, on le sait, là. On le sait. Le monde a eu bien de la misère à trouver une NES classique. Oui. Puis, Joe, je vais te laisser en parler, mais moi, je vais démentir une rumeur qui est parue sur Internet très, très récemment. Là. Je vais démentir une rumeur après. Ben, ah, zut, c'est pas à cause de cette rumeur-là que je m'en suis acheté une d'abord? Parce que moi, j'ai. Ça fait depuis la sortie que j'en cherche une. Puis là, j'avais vu écouter différents podcasts où il semblerait qu'il n'y en aurait plus. C'est ça, la rumeur? C'est ça. Ah, Colin! Ok, ouais, j'ai fait quelque chose de pas bien que je ne conseille pas à personne puis que je soutiens pas du tout, c'est-à-dire que je suis allé vers un revendeur. Non. Mais ben, parce que sérieusement, j'en voulais une. Puis là, après des mois de recherche, puis que j'étais sur des sites où est-ce qu'on me lançait des notifications quand il y en avait une disponible. Puis là, des fois, j'avais la notification, j'essayais, je réussissais pas. Puis là, quand j'ai su qu'il n'y en aurait plus, je fais. Puis j'ai trouvé un revendeur qui la revendait. quand même pas si pire. Là. Tu sais, je l'ai payé comme... j'ai payé 30$ plus cher parce que j'ai deux manettes. Je te confirme que j'ai parlé avec Nintendo Canada et c'est totalement faux la rumeur qui veut que Nintendo va stopper la production des NES classiques. Au contraire, ils sont en train là, de réapprovisionner. À quel point, je ne le sais pas, là, mais non, c'est faux. C'est pas vrai par tout. Ouais, mais c'est une rumeur qui a profité probablement à certains revendeurs. Joe, tu n'es sûrement pas le seul qui a fait ça. Je suis pas le seul. Puis comme... Tu sais, je regardais souvent là, les revendeurs, puis je suis vraiment pas pour ça. Puis là, j'en ai trouvé une qui était quand même... Tu sais, quand on parle de 30-35$ de plus, c'est pas si mal. Tu sais, il y en a qui en vendent 400, qui vendent 500. Tu sais, c'est des malades, là. J'aurais jamais acheté ça. J'ai fait, bon, OK, je prends le risque. Elle était neuve, pas ouverte. Tout ça pour dire que je l'ai eu. OK. Mais là, question de même, tu as dit que tu l'as payé 30$ de plus, mais que tu avais deux manettes. T'as-tu payé 30$ de plus... que le prix original de la console qui est 80$? J'ai payé 150 pour avoir la console qui en réalité en vaut 80 plus taxes. Puis la manette qui en vaut 20. 12. Qui en vaut 20. Fait que quand tu mets toutes les taxes, tu arrives à peu près à 120. Okay. Que ça m'aurait coûté dans un magasin, puis lui me le vend 150. OK. Mais 150, pas de taxes, tu aurais payé 120 plus les taxes. Fait que ton prix est quand même pas si payé que ça, là. C'est pour ça que j'ai décidé de la prendre, là, ou sinon j'aurais pas dépensé 300$. Je cautionne pas ce que tu as fait, parce que moi, encourageur revendeur de même, c'est ça, puis les scalpers, pis ça, c'est non, moi je touche pas à ça. Là. Mais le pire, là, c'est quand que je suis allé le chercher, j'y ai fait la morale. J'ai dit au gars, j'ai dit c'est vraiment pas correct ce que tu fais, puis j'y ai vraiment dit, puis le gars il faisait, ouais, je sais, mais. Mais tu l'as acheté pareil. Ouais, je sais, mais je vais la faire. Il dit, je la vends moins cher que d'autres personnes. J'ai dit, t'as raison, mais j'ai dit, tu t'es fait de l'argent facile, puis j'aime vraiment pas ça, parce que dans le fond, t'as veux pas, toi, t'sais, elle est pas déballée. Tu sais, ça l'avait été déballé, puis t'as joué, tu l'as pas aimé, t'as revends. Tu fais, mais tu sais, t'as pas le droit de faire de la revente, là. C'est illégal. T'as pas le droit d'acheter quelque chose de neuf, puis revendre plus cher. Tu sais, puis j'y ai fait la morale dans le stationnement de Tim Hortons, là. Parce que je trouve pas ça correct, tu sais, du tout, mais. Les rumeurs m'ont fait peur, puis je me suis dit, ah, d'un coup, qu'il n'y en a plus, puis là, cet été, j'en veux une, puis ça me coûte 400, je ne dépenserai pas 400 pour ça. Là. Mais tout ça pour dire que ne faites pas ça, les jeunes à la maison. Non, ne faites pas ça, puis au pire, consultez Dan, parce que Dan, il a des infos. Oui, mais Dan, il a eu des infos aujourd'hui, puis attends, il a acheté sa console la semaine passée. Vas-y, parle-nous-en. Mais c'est écœurant. Sérieusement, là. C'est vraiment, là, pour ceux, on avait déjà parlé cet été, là, la liste des jeux, tout le monde l'a vu là, plein de fois, là, donc on a 30 jeux, principalement des classiques. Tout ça se branche en HDMI sur ta télé. Il vient avec une petite manette, ben pas une petite, c'est la manette originale de Nintendo. Avec un cordon trop court, est-ce que j'entends dire? Ah oui, le cordon, là, il est vraiment pas long. Là. Je te dirais, il est à peu près un 2 pieds, là, le cordon, là. Vraiment pas long. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur mon un câble HDMI qui était assez long. Fait que j'ai comme branché la console. Donc, je tire sur la console parce que tu as besoin d'appuyer sur la console si tu veux changer de jeu. C'est le bouton reset de la console te fait en sorte que tu reviens au menu de départ où tu choisis tes jeux. Okay. Ce qui est bien avec ça, c'est que les 30 jeux, tu peux avoir des sauvegardes sur tous les jeux. Donc, ceux qui trouvaient que Ninja Gaiden était trop difficile, donc vont pouvoir le faire avec des sauvegardes. Donc, ça, c'est bien. Et moi aussi, je suis d'un qui trouvait Ninja Gaiden trop difficile. Hein. Mais donc, puis tout le reste des jeux, là, c'est super. Par contre, la manette que j'ai eue, que la personne avait achetée aussi avec, parce qu'il est allé au Microplay, puis il a acheté une manette qui est c'est pas une manette de Nintendo, c'est une manette Nintendo, mais pas faite par la compagnie Nintendo. Puis le câble, il est vraiment long, là. Tu sais, je dirais qu'il y a peut-être un 7-8 pieds. Là. Ouais. Donc, tu sais, moi, ce que je faisais, c'est que on a joué tout dimanche passé à fond, toute la journée avec mon gars. Il a joué tous les jeux classiques. Fait que moi, je prenais la petite manette courte. Puis lui, je lui donnais la grande manette, tu sais, au cas où qu'il veut tirer ou je sais pas quoi. Là. Donc, ça, c'est bien. Donc, on peut trouver des manettes ou il y a même trouvé sur Internet des câbles de rallonge là, pour la manette. Ouais. Est-ce que je sache s'il y a une manette sans fil là, disponible? Oui, c'est ce que j'ai entendu, oui. Ouais. Je pense que les câbles de rallonge, je peux les avoir pour une dizaine de dollars. C'est 10$ Insignia sur Best Buy, là, c'est 10$ le câble de rallonge. Mm. La manette, j'ai la facture de la manette, il l'a payé 15$. Là. C'est pas si pire là, pour une deuxième manette. Là. Puis la console est petite, mais tout le monde le dit, elle est petite. Mais quand tu l'as, elle est petite, vraiment petite. Elle est grosse comme un, je dirais, un portefeuille. Tu sais, elle rentre dans la paume de ta main, hein, je pense. Elle rentre dans la paume de ta main, puis elle pèse. Prends un paquet de post-it dans tes mains, ça pèse ça, là, ça pèse rien. Il n'y a rien là-dedans. Là. Non, mais regarde, tu peux émuler une NES avec un Raspberry Pi 1. Puis un Raspberry Pi 1, je n'avais parlé, c'est la grosseur d'une chip de mémoire de laptop, de portable. Il n'y a rien là-dedans. Là. Après, le pire, c'est les fils qu'il faut que tu sortes. Parce qu'il faut que tu sortes les fils pour le courant, un fil HDMI, un port pour les manettes. Fait que c'est vraiment les fils qui prennent le plus de place. La carte principale, il n'y a rien. Là. C'est tout petit à cette heure. Là. Non, elle pèse rien. Moi, personnellement, je la trouve, tu sais. Je trouve que le fait qu'elle pèse rien, ça en fait je trouve que ça fait une bébelle un peu. Tu sais, ça pèse quasiment. C'est le poids d'une cassette de NES, peut-être même plus léger que ça. Là. Donc, tu sais, moi, personnellement, j'aurais mis un peu de poids dedans, la console. Ouais. Ben, OK, ça aurait coûté. À part au Vince. Non, mais ben, écoute, si tu l'accroches le fil, c'est clair qu'elle part, là, elle part, tu sais, fait pas juste tomber sur le côté, là. Mais j'aurais mis du poids, moi, pour donner une sensation de force. Non, mais tu sais, une sensation de solidité. Tu sais, elle a de l'air fragile, même si elle l'est pas, mais elle a de l'air fragile puisqu'elle est vraiment, vraiment, vraiment légère, là. Mais c'est génial. Si vous réussissez à en avoir une, puis d'ailleurs, Daniel vient de m'annoncer, comme à tout le monde, qu'elle en avoir d'autres. Donc, achetez pas d'un revendeur, allez en acheter une. Puis les jeux là-dedans, c'est génial. Je sais pas à quel point je vais jouer souvent avec, parce que j'ai essayé quasiment tous les jeux, 5-10 minutes chaque jeu, pour me rappeler à quel point je vais dire, bon, je refais Final Fantasy 1. Mm. Je sais pas. Mais moi, je ne suis pas un collectionneur de vieux jeux. Je ne joue pas vraiment beaucoup à des émulateurs non plus. Donc, avoir la petite console avec mes jeux préférés dedans, tu sais, je trouve ça super le fun. Mon gars, il aimait ça aussi. J'ai fait Punch-Out. C'est une pièce de collection. C'est une pièce de collection. Puis les jeux qu'il y a dedans, c'est pas de la merde. Il y en a deux, trois là, qui ne m'intéressent pas. Le reste, les 27 autres, là, c'est des grands succès. Là. Donc, ça, c'est le fun. Mais à quel point je vais y retourner souvent, je ne sais pas. Mais le fait qu'elle soit... Si petite, si légère, un fil branché dans le mur, deux manettes, c'est facilement transportable. Tu amènes ça chez des amis. Regarde qu'est-ce que j'ai. Tu débranches ton DVD, tu y branches ça là-dedans, bang, puis tu joues. Là. C'est pas compliqué, ça se transporte bien. Donc, il y en a qui écoutent son film, tu y débranches. Ah ouais, tais-toi, ton Blu-ray. Fini Batman, on joue à Mario, ouais. Mais il y en a qui disent que supposément que dans NES Mini, ça serait des ROM, là, que Nintendo aurait pris des ROM pour la mettre dedans, qui étaient sur Internet. Bon, je sais pas là, à quel point ils n'ont pas eux-mêmes fait leur propre programmation, leur propre ROM. Dans le fond, moi, je m'en fous un peu. Il y a trois modes d'affichage. Tu as le mode HDMI quand même assez clair, puis tu peux avoir des modes classiques où ils vont reproduire un peu des télés cathodiques, où tu vois que l'image est un peu floue avec les gros pixels. Mais en somme, là, si vous réussissez à en avoir une, là, c'est console géniale. Vraiment, là. Ouais, achat. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Je m'en rappelle plus. Ah oui, ben c'est ça. Dans le fond, là, t'imagines-tu s'ils finissaient par sortir une Super NES classique? Il faut qu'ils sortent toutes. Il faut qu'ils sortent une Super NES classique, une 64 classique, une Game Boy classique. Tu sais, une petite Game Boy, là, la même grosseur que la première Game Boy, mais avec 50-60 jeux dedans. Là. Mm-hmm, puis au prix qu'ils vendent ça, tu sais, 80$ la console pour 30 jeux puis une manette, c'est vraiment pas cher. Pour de vrai, là, ça revient à 2$ le jeu plus 20$ la manette. Là. Ouais, puis quand tu parles d'un jeu de Final Fantasy que tu peux jouer des heures et des heures, là, ça revient pas cher. Ouais, c'est clair. T'as les deux Zelda, t'as les trois Mario, t'as les deux Castlevania. T'sais, quand même, là, c'est des bons jeux. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais il n'y en a pas dans le magasin. C'est ça le problème. Mais tu sais, on parle que c'est des ROM et que c'est un émulateur qui roule la patente. Faudrait voir. J'ai pas été voir parce que ça m'intéressait pas. Mais j'ai vu quelques posts sur Internet qui parlent qu'il y a des gens qui ont rajouté des jeux dans leur NES classique. Ah, j'ai vu. Je l'ai vu même hier un post où est-ce que quelqu'un y a mis la librairie au complet. Fait tu sais, il y a quelque chose là. À moins qu'ils réinstallent un émulateur par-dessus puis que. T'sais, c'est sûr, si tu dénatures la console, puis là, t'enlèves tout ce qu'il y a dessus, puis tout ce qui reste vraiment, c'est la boîte, puis le restant, c'est d'autres choses, puis t'as mis la librairie au complet sur un Raspberry Pi, peu importe, mais là, c'est une autre affaire. Mais si tu peux vraiment faire accroire à la NES classique qu'elle est rendue à 80 jeux ou 200 jeux, ben là, ça veut dire qu'à l'origine, il roule un émulateur ou il roule quelque chose comme ça en arrière. Là. Ce qui serait quelque chose de logique, je veux dire, l'émulateur, les émulateurs roulent très bien, puis ça te prend quelque chose comme ça. Ils n'ont pas mis la carte originale d'une NES là-dedans. Là. Un, ça ne fit pas. Puis est-ce qu'ils ont pris le temps de demander à leurs ingénieurs de miniaturiser un board original de NES? Ça me surprendrait bien gros. Il faut que ça soit une carte de micro-ordinateur avec probablement un émulateur, peut-être écrit par Nintendo, mais on s'entend que si l'émulateur est capable de gérer, l'émulateur de Nintendo est capable de gérer ces 30 jeux-là, et mettons, est barré, encrypté pour pas en rouler d'autres, puis tu réussis à briser cette clé d'encryption-là, il est capable de rouler n'importe quoi, parce que à la base, il émule le hardware de la NES. Fait que hardware de la NES est capable de rouler n'importe quoi. Mais tu sais, le but de la console, moi, en tout cas, mon but, c'était plus un objet de collection, puis jouer facilement, tu sais. Parce que les jeux, comme tu disais, on les trouve tous sur émulation. On les trouve partout, ces jeux-là. Donc, si je veux jouer aux jeux, je les avais tous d'un sens, ces jeux-là. Là, mais c'est vraiment l'objet de collection. Oui, mais c'est une belle console. Essayez d'en trouver une. Oui, c'est une très, très belle console. Puis j'ai hâte de voir si Nintendo vont faire, comme on disait, ils vont sûrement aller avec une SNES classique. Ah, il faut. Ça c'est clair. Sûrement que Daniel, il y a des informations pour nous. Non, pas là-dessus, je m'excuse. 64, non, j'en ai pas. Mais c'est parce que la NES 64, tu parles d'une console un peu plus puissante. Là. Même en émulation, la N64 est très dure à faire. Il y a des jeux de N64 que les émulateurs ne sont pas capables de rouler fluide. Là. Je parle de GoldenEye, je parle des jeux, les jeux de Star Wars, de Factory 5, là, Rogue Squadron, des choses comme ça. Même les émulateurs ont de la misère à rouler ça. Donc, ça prendrait un hardware dans la petite console déjà plus puissant que ce qu'on retrouve comme des Raspberry Pi, des choses comme ça. Là. Mais c'est sûr, Nintendo a les specs de la machine originale. Fait qu'ils sont capables plus facilement, eux autres, de faire quelque chose qui va être capable de spécifiquement rouler, émuler ce matériel-là. Là. Non, mais je vois quand même, c'est parce qu'au niveau des jeux 64, il y a beaucoup de jeux 3D qui ont mal vieilli Ça serait peut-être plus NES et Game Boy classique. Moi, une machine Game Boy classique avec plein de jeux dedans, là. C'est j'en veux une, mais sûrement que Daniel a des infos pour nous. je vous reviens là-dessus. Mais j'ai d'autres infos, par exemple. Ah, OK. Ouais. J'en ai d'autres. C'est un lien, tu vois? Il y a sûrement des infos. Je passe à l'autre. Mais oui, j'ai d'autres infos parce que... Puis là, je vais le dire. OK? Ouais, tu vas le dire. OK, je vais mettre mon point sur la table. Je vais le dire. Oui, j'ai été invité par Nintendo pour aller à Toronto pour essayer la Switch. Parce que c'est pas tout le monde qui le dise, là, qui ont été invités par la compagnie, puis blablabla. Moi, je le dis, mais ça teinte pas ce que je vais vous parler dans les 10 prochaines minutes. Moi, je peux dire aussi, je n'ai ni moi ni Luc, on n'a pas du tout été invité par personne pour essayer la Switch. Je le dis, je veux dire, c'est sans gêne. Ouais. Vraiment? Ouais. On vraiment, ouais, vous êtes honnête à 100%. Ah oui, vraiment. Moi, il n'y a personne qui m'a payé de billets d'avion. Rien. C'est chez moi. C'est drôle parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé hier, « Hey, t'es pas à Toronto pour aller essayer à Switch? » Puis tout ce que j'ai répondu, c'est « je disais, hey, bonne. » Quand même. Mais j'y étais. Ah ouais, mais toi, t'es quelqu'un, Dan. Moi, je suis un nobody. I'm no one. Non, mais... Hier, j'ai rencontré ben du monde que je connais, puis c'est ça, il me disait, mais tout est big, tout est gros. Je dis, peut-être un petit peu moins gros qu'avant, par exemple. Puis je parle pas juste au niveau du poids. Fait que, tout ça pour dire que oui, j'ai été invité à Toronto par Nintendo. C'était un très bel événement. Honnêtement, le dernier gros événement que j'ai vu comme ça de Nintendo, c'était pour la Wii. À l'époque, ils nous avaient encore invités à Toronto. Mais là, ça avait été pour 2 jours. Mais vraiment, là, j'ai été assez impressionné par ce que Nintendo a fait au centre de convention de Toronto. J'avais l'impression un peu d'être dans un E3. Là. Vraiment, là, une immense salle où ce que où ce qu'il y avait des beaucoup de Switch et beaucoup de jeux Switch. Donc il avait engagé un DJ puis tu sais c'était le fun, ça a passé quand même assez rapidement. On est allé quand même une bonne délégation du Québec, il y avait la gang de Geeks and Com, il y avait Factor Geek, Denis Talbot était là avec qui j'ai beaucoup jasé. Laurent Lassalle et Giz aussi, les gars de M2 Gaming. Là, ça se peut que j'en oublie, là, mais... puis la gang de Game Focus aussi. Donc, on était quand même une bonne gang. Et oui, j'ai essayé la Switch. Là, je vais essayer de vous résumer ça en 10 minutes. Fait que je vais gauler, mais si vous avez des questions, allez-y. Oui, as-tu essayé le jeu qu'on traîne vache? Moi, personnellement, je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai beaucoup vu. c'est très absurde. OK, ben, je vais commencer par ça d'abord. Okay. C'est dans One Two Switch. Oui, il y a un jeu pour traire la vache. Il y a d'autres types de jeux aussi. Là, dans... C'est très absurde, One Two Switch. Ça se prend vraiment pas au sérieux. C'est vraiment le Wii Sports de la Switch. Écoute, j'ai pas essayé ce jeu-là, mais par contre, j'ai pu tenir la manette pour d'autres types de jeux. Ce que Nintendo disait là, avec le HD Rumble des Joy-Con, là, c'est assez impressionnant. Honnêtement, là, la manette tremble d'une certaine façon avec une certaine structure dans le jeu ou un objet. Par exemple, une bille, ça tremblera pas comme si tu prends une boîte de carton. Mais c'est vraiment au niveau de la réplique du mouvement de l'objet dans ta main, t'as vraiment l'impression de tenir ça. C'est assez impressionnant, honnêtement. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé du retour de force dans la manette, c'est que c'est pas trop exagéré. Je trouve que dans beaucoup de jeux, là, tu trembles pour trembler, là, tu sais. C'est comme... Tabarnouche, comme « OK, c'est bon, là, tu sais, là, j'ai pas le Parkinson, là, mais, tu sais, dans les jeux que j'ai pu essayer avec la Switch, le retour de force n'est pas trop exagéré. Mais c'est sûr que pour One Two Switch, si c'est des mini-jeux, ça se prend vraiment pas au sérieux. Est-ce que ça vaut le plein prix de 80$ parce que ça va être 80$, ça a été confirmé? Ça, je suis pas sûr. Mais pour One Two Switch, là, il y a combien de jeux dedans? Moi, je disais 30 jeux, il y en a que 50, il y en a 25, tu sais. Je pense pas qu'il y ait 50 jeux. Non? Non. Mais il faut dire que c'était une version démo là, qu'on a pu essayer, c'était pas la version finale. J'ai aucune idée combien il y a de jeux au total. Ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a des jeux de billes. J'ai vu le jeu de pour traire la vache, là, qui est vraiment... Okay. Écoute, c'était limite sensuel. mais j'ai vu aussi le jeu de cowboy. Okay. Mais tu sais, ça demeure des mini-jeux. Là. On s'entend. Là, je veux dire, le jeu de cowboy, mais tu sais, puis merci, au revoir. C'est tout. Là. Même chose pour les jeux de vaches, là, qui a quand même beaucoup pogné. Là, ça a beaucoup fait rire. En même temps, ça a beaucoup fait rire parce qu'on était beaucoup. Quand t'es deux dans ton salon, c'est comme ha ha ha. Puis après ça, ben, c'est comme. T'es deux dans son salon, puis il y en a un des deux qui trouve pas ça drôle. Là. Ouais, ben, c'est long, hein, ça peut être long. Pas mal tout seul, ta gang. Mais dans le jeu pour traire la vache, de ce que j'ai entendu des gars qui l'ont essayé, vraiment, là, t'as vraiment la sensation de traire un pied. avec la manette là, dans tes mains, là, le retour de force, ça a l'air que c'est quelque chose dans ta main. Fait que, au niveau du HD Rumble, vraiment, c'est quand même impressionnant. La console en tant que telle est petite. Elle est vraiment petite, même quand elle est dans son socle pour que tu puisses jouer dans la TV, c'est petit. C'est très petit. Ça prendra pas beaucoup de place là, dans votre salon ou dans votre pièce de jeu, peu importe. Ce qui est logique parce qu'il faut que ça soit portable. Ouais, fait. Mais même moi je m'attendais à ça soit tu sais quand elle est dans le socle puis tout, tu sais, c'est un petit peu plus gros, mais non, je vous dirais c'est à peine plus gros qu'une 3DS XL. Okay. Donc c'est quand même pas gros là. C'est sûr c'est un petit peu plus gros quand t'attaches les Joy-Con là, de chaque côté. Ce que j'ai beaucoup apprécié, particulièrement quand tu passes en mode portable. La seule chose quand t'attaches les Joy-Con. Moi j'ai pu jouer à Zelda avec les Joy-Con attachés. L'arrière de la tablette devient quand même assez chaude. Mes mains ont dépassé à un moment donné puis j'ai fait oh! Je vais tenir les Joy-Con. Ça devient quand même assez chaud au niveau de l'arrière. C'est pas problématique, là, mais c'est juste pour vous dire que tu vois que ça roule là, en dedans. Là. Parce que c'est ça. Ça demeure quand même assez petit. Au niveau des Joy-Con, Les Joy-Con, quand tu les as dans les mains, c'est plus confortable que ça paraît. Moi, j'ai fait comme, OK, j'ai des grosses mains, là, oubliez ça, là. Moi, ça va être trop petit pour moi, mais non. Pas quand t'en as deux, puis encore moins quand t'as l'espèce de dock, là, le socle où tu peux les accrocher. C'est surprenant à quel point c'est confortable. Les boutons sont facilement accessibles. Ça épouse vraiment bien ta main pour que tu puisses aller rejoindre tous les boutons des Joy-Con. Là où j'ai un problème, c'est quand tu utilises une seule Joy-Con. Par exemple, dans Sonic Mania, tu utilises juste une seule Joy-Con et là, c'est très, très petit. Okay. C'est pas nécessairement si ergonomique que ça. Personnellement, là, je l'ai senti. Là, j'ai fait comme, OK, j'ai des grosses mains, là, puis c'est comme un petit peu problématique. C'est plus problématique quand c'est la Joy-Con de gauche. À droite, les boutons sont un petit peu mieux disposés quand tu l'utilises tout seul. Mais la Joy-Con gauche, c'est un petit peu plus difficile. Personnellement, je vois les crampes de main arriver, là. Okay. Quand tu utilises une seule Joy-Con parce que c'est très petit. J'ai essayé la Pro Controller. Moi, je la recommande. Honnêtement, j'ai vu un hybride entre la manette de la Xbox One puis la manette de la PS4, dans le sens que la surface fait beaucoup penser à la manette de la Xbox One, mais il y a des manches qui font penser à la manette de la PS4. Donc, c'est une manette qui se tient extrêmement bien. Elle est jolie. Elle est un peu translucide, là, mais elle est très jolie. Bonne disposition des boutons, facilement accessible. Personnellement, ça serait. Frank Courchang sur Twitter me demandait si tu avais le choix entre un autre paire de Joy-Con ou la manette Pro, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, j'irais pour la manette Pro, particulièrement dans des jeux plus pour gamer hardcore, là, genre Zelda. C'est mieux. J'ai essayé les Joy-Con puis le Pro Controller avec Zelda, puis j'ai plus aimé le Pro Controller. Donc, moi, je la recommande, mais je vais vous dire, les prix des accessoires demeurent chers. Vraiment, moi, je trouve ça cher, quand même. Autant au niveau, tu sais, un autre pack de Joy-Con, c'est quand même autour de 100$. Oui, c'est 100$. Hein. Ouais. C'est ça. C'est quand même pas donné. Qu'est-ce que j'ai pu essayer? Ça va-tu pour la console? Il y a tout autre chose. Mais, admettons, c'est quoi comparé avec la Vita pour la clarté de l'écran? Parce que l'écran. La 3DS, l'écran est dégueulasse, là, dans le fond. Ah non, on n'est pas là. Je vous le dis, là, vraiment pas. Oui, on est même un petit peu plus haut que la Vita. Là. C'est très clair au niveau de l'écran. C'est surprenant. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un lien avec Zelda, parce que c'est surtout ce jeu-là que j'ai pu essayer en mode portable puis en mode télé. Zelda, mode télé, je suis pas convaincu. Ben, c'est pas laid, là, mais les textures manquent de finition. Tu vois même des pixels, les contours sont pas lisses, ce qui est complètement le contraire quand tu joues sur l'écran de la tablette, de la Switch. Là, c'est très lisse, c'est très beau, c'est très fluide. J'avais entendu parler de problèmes de lag puis tout, pas en tout. J'ai aucunement senti ça. Il y en a qui disaient que les mouvements de ligne sont pas super fluides. Pas en tout. Moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Donc, l'écran est de très, très, très bonne qualité. Le 720p, là, honnêtement, il faut vraiment être pointilleux. Là, pour dire... ouais, mais cette grosseur-là d'écran, là, c'est ridicule. Là. Tu sais, je veux dire, là, le monde qui a 720p, pas 1080. Moi, je veux du 4K. T'sais, venez pas fou, là. Tu le vois même pas. Ça te prend un gros écran pour que le 4K vale la peine. Non, là. C'est ça. Là, puis même le 1080p, là, c'est un petit écran. Là. Et non, honnêtement, là, c'est très, très beau sur l'écran de la Switch. Puis le mode portable, c'est clair que ça va pogner. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça a été fait, la Switch. Quand vous passez du mode portable à mode télé, je vous le dis, quand vous passez au mode portable, c'est instantané. Quand vous voulez repasser au mode télé, quand vous mettez la Switch finalement dans son socle, ça prend peut-être 2-3 secondes avant que ça se repositionne. Puis pour réactiver le jeu, dans le sens que pour prendre où vous étiez, il faut appuyer sur les boutons L et R et A aussi. Mais ça, c'est indiqué à l'écran, là. Mais juste vous dire que c'est pas instantané comme quand vous passez au mode portable. Fait que juste vous dire. Au niveau des autres jeux, Zelda, je vous le dis, ça va être écœurant. C'est un jeu, là, je veux dire, ça m'a pris 30 secondes pour faire comme, OK, ouais, ce jeu-là, là, je vais jouer, puis je vais jouer, puis je vais jouer encore. tu commences, puis Link est en bobette, là, quand tu commences, puis avec un iPad dans les mains. Ouais, genre. Mais tu sais, c'est pas long que tu trouves des coffres au trésor, tu peux habiller Link de différents habits. Puis là, j'ai fait « Ok, ouais, t'as beaucoup d'armes. » Moi, le démo il a duré 20 minutes, j'ai quand même trouvé pas mal d'armes. C'est ça, ton équipement aussi, ben ça affecte ton niveau de défense. Faut que tu prennes en considération aussi le froid et le chaud. Si tu t'en vas dans un environnement froid avec des vêtements trop légers, tu vas perdre de la santé parce que Link va avoir froid. Puis quand c'est trop chaud, ben c'est le contraire. Fait que tu perds de la santé aussi quand tu as des vêtements trop chauds par exemple dans un désert parce qu'il fait trop chaud. Il y a de l'air à avoir des passes furtives là. Ça honnêtement j'ai pas pu l'essayer, mais quand tu marches là, tu vois là comme le bruit que Link fait, mais je sais pas savoir à quoi ça va servir dans le jeu. Puis tu sais, c'est un jeu open world là. Dans le sens que, gars, t'as un monde immense. Oui, on te pointe où tu dois aller, mais si t'as pas envie d'y aller, puis t'as envie d'explorer, puis tu peux le faire, là. Okay. Y a plein de possibilités. Le gars qui me guidait, là, parce que t'as toujours un guide, là, quand t'essayes des maudits démos, il me disait, regarde, si tu pognes cette hache-là, tu peux couper des arbres, par exemple, tu peux pousser les troncs, ça va te faire des chemins dans l'eau, puis c'est fou, là. C'est pas un jeu qui va te prendre par la main comme les précédents Zelda. Là. Fait que y a plein de possibilités aussi pour éliminer des ennemis. Tu peux les battre avec tes armes, tu peux leur pousser des rushs dessus, tu peux faire exploser des trucs si ça te tente. Fait que ça a l'air d'un jeu massif, là, mais massif au bout. Moi, je m'attends à un jeu écœurant. Comme je vous dis, sur une TV, c'est pas super beau, là, mais il faut se rappeler que c'est... Oui. Mais quand on dit que c'est pas super beau, on le compare à quoi? T'sais, je regarde des vidéos, puis moi, je trouve tout le temps que ça a l'air beau. T'sais. Mais là, je me dis, c'est toutes des vidéos de console portable que je vois? Ou, c'est beau. Parce que, j'ai fait Xenoblade l'année passée, là, que j'avais adoré, mais c'est pas super. Là. Les textures, c'était laid, là, mais le jeu était écœurant. Fait que je passe par-dessus. Là, c'est pas beau dans quel... T'as-tu un comparatif? C'est joli. Oui, c'est beau. C'est juste que sur une télé, particulièrement sur une télé 4K, là, c'est juste que les textures, comme je disais, manquent de finition. C'est juste que les contours sont pas lisses. Là. Tu vois, là, c'est un peu carré. Là. Okay. C'est un peu brisé aussi au niveau des textures. C'est juste ça. Mais c'est un jeu qui demeure joli. Puis au niveau gameplay, moi, je m'attends à... C'est sûr. Okay. Ah, ça va être quelque chose. Mais bref, puis ça a l'air assez dark, là, assez sombre là, aussi là, comme histoire. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte à Zelda. Autre jeu que j'ai pu essayer, Arms, je l'ai essayé. Ah ouais? Je suis pas convaincu. Ah non? Ah, ok. C'est complexe comme contrôle. Puis là, tu sais, le gars, là, il me guidait. Là, puis là, j'étais comme, ok, mais là, faut que tu appuies sur tel bouton pour sauter. Faut que tu fasses tel mouvement pour bloquer. Quand tu fais tel mouvement, ben ça te permet de donner un punch de telle façon. Puis, tout, puis là, moi, je me perdais. Sur 6 rondes, j'en ai perdu 5. Ça avait de l'air beau, par exemple, en tout cas. Ouais, c'est très coloré. Là. Ouais, style Overwatch un peu. Là, ouais, un peu. Okay. Je me questionne au niveau de la profondeur du jeu. T'as beaucoup de personnages, ils ont différentes habiletés, différentes façons d'attaquer. Mais je me questionne à savoir qu'est-ce que ça va. Tu sais, au-delà de ça, genre, y a-tu plusieurs modes. Tu sais, c'est le fun. Là. Je peux pas dire que je me suis emmerdé, là, mais tu sais, il faut que tu bouges beaucoup. Puis selon, tu sais, par exemple, si tu avances tes deux mains en même temps, puis là, je suis vraiment en train de vous faire l'imitation, puis vous me voyez pas, c'est un peu pathétique mon affaire. Moi, je vois. Ah oui, tu me vois? Oui. Shit. Ferme ta caméra. Mais tu sais, si tu avances les deux mains en même temps, ben ça va te permettre de faire un mouvement spécial pour attraper ton personnage puis donner un uppercut. Mais tu sais, il faut que tu penches tes manettes pour bouger, pour éviter les coups. C'est pas évident, honnêtement. Là, c'est vraiment pas évident. Je me questionne juste au niveau aussi de la profondeur du jeu. Là, au-delà du fait qu'il y ait plein de personnages, plein d'habiletés, là, je me questionne au niveau de la profondeur. Mario Kart 8 Deluxe, ça demeure Mario Kart. Par contre, il est plus beau que sur Wii U. Le mode 2 joueurs est intéressant, beaucoup plus fluide. Il était vertical, donc séparé à vertical. J'ai pas essayé les nouveaux modes battle. Il y a des nouveaux personnages, mais tu sais, c'est ça. Si vous avez déjà Mario Kart 8, je pense pas que ça vaut la peine. Si vous l'avez pas, ça va être... ça demeure un très bon jeu de course. J'ai essayé Street Fighter. Honnêtement, Ouais, ben c'est du Street Fighter 2 classique. HD un peu, là. Ouais, c'est ça. Il y a deux nouveaux personnages. Il y a Evil Ryu et Violent Kent. Donc, tu sais, ça demeure... mais ça demeure classique. C'est le fun. Ça demeure du Street Fighter 2 à son plus pur état. Mais c'est le fun. As-tu essayé Bomberman? Non, j'allais beaucoup. Mais il est beau, Bomberman, même sur une télé. Il est très beau. OK, moi, c'est un des jeux qu'à la sortie, je veux acheter Zelda et Bomberman. Mais il a l'air cool, honnêtement. J'ai vu beaucoup de monde y jouer, puis en tout cas, il y avait du fun. En multijoueur, là, il y avait pas mal de plaisir. T'sais. On dirait que ça retourne justement au style classique de Bomberman. Mais non, ça avait l'air, ça a l'air le fun de ce que je voyais. Autre jeu que j'ai essayé, Sonic Mania, c'est du Sonic classique 2D, nouvelles animations, nouveau boss. Moi, je suis pas un grand amateur, puis comme je disais, avec le Joy-Con tout seul, c'est un peu problématique là, quand t'as des gros doigts. Puis pour le reste, j'ai pas pu essayer Splatoon 2, ben trop de monde, malheureusement. L'as-tu vu Splatoon? Oui, je l'ai vu. Puis ça, comparativement au premier. Au niveau visuel, j'ai pas vu de grandes améliorations, honnêtement. Mais ça avait de l'air... en tout cas, le monde avait du fun. Puis je vous dis, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde là, qui essayait Splatoon 2. Mais j'ai pu essayer aussi Tetris Puyo Pop. Tabarnouche, c'est assez capotant, mais c'est déjà disponible sur d'autres consoles. C'est intéressant, là, parce que surtout le mode swap où tu passes de Puyo Pop à Tetris, mais genre d'une seconde à l'autre, là. Fait que t'es tout le temps en train de modifier ton style de jeu, c'est le fun. Mais c'est déjà disponible là, sur d'autres consoles, comme je disais. Pour le reste, non, j'ai pas pu essayer Super Mario Odyssey. Là. Non, c'est okay, ça. Là. Non, il l'avait pas. Fait que moi, honnêtement, pour résumer tout, là, je suis moins sceptique que je l'étais. J'ai aimé mon expérience avec la Switch. J'ai hâte de voir les jeux qui s'en viennent. Zelda, je l'attends de pied ferme. Là. Vraiment, là, je m'attends à vraiment un très, très, très, très bon jeu. Très solide. C'est sûr qu'il va sortir sur Wii U, là, mais j'ai beaucoup aimé là, jouer sur la Switch. Je me vois très bien là, jouer à ça là, un peu partout. Là. Ouais. Ça va être la fun. Mais fait au niveau des jeux, si on reste à l'affût, là, quasiment à chaque jour, à chaque deux jours, ils annoncent soit un jeu pour la sortie ou soit un jeu pas longtemps après ou dans l'année. Là. Tu sais, il y a I Am Setsuna qui, là, il était confirmé pour la sortie. Il y a deux, trois autres jeux aussi. Ouais, exact. Il y a, là, ils ont eu un Nintendo Direct sur Fire Emblem qui s'en vient l'année prochaine, mais quand même, tu sais, il est annoncé. Les compagnies commencent à faire des annonces régulières, là, à toutes les semaines. Puis je suis sûr qu'il va en avoir d'ici le 3 mars, là, des petites surprises par-ci, par-là. Mais tu sais, c'est ça que je dis, tu sais, c'est intéressant. Puis moi, j'ai aimé mon expérience. Il y a certaines petites choses, mais pour le reste, c'est ça. C'est une console qui n'est pas hyper puissante. Tu sais, je veux dire, ça paraît là, mais je pense que c'est une console qui est intéressante. J'aime beaucoup justement là, le fait que ça soit portable quand tu veux. Moi, je suis moins sceptique. Je m'attendais à une bébelle. Quand j'ai vu les Joy-Con, j'étais comme pas sûr, mais finalement, une fois que tu les as dans les mains, c'est plus intéressant qu'il paraît. Fait que c'est plus confortable aussi que ce paraît, c'est pas des gadgets, c'est vraiment une belle technologie. Fait que tout ça pour dire que j'ai aimé mon expérience, c'est pas parce que je suis allé à Toronto payé par Nintendo que je. Ouais, c'est ça. Non, je vous le dis. Est-ce que j'annule ma précommande ou je la garde? Non, je penserais pas. Je pense que ça va valoir quand même la peine. Ouais. mais juste avec Zelda, je pense que tu vas être comblé. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Ben, je suis un fan de Zelda, donc. Écoute, ce jeu-là, là, c'est. Je pourrais en parler. Là. J'ai essayé 20 minutes. D'ailleurs, petite parenthèse en terminant. Denis Talbot, okay, jouait à Zelda, puis j'étais vraiment dedans. Là. Puis ça a l'air que dans la vidéo, ça a apparu. Là. J'étais dedans, là, puis là, il est arrivé à côté de moi d'un coup pour m'interviewer. Mais genre d'un coup, puis il m'a dit, pis Dan, c'est quoi tes impressions? Puis j'étais comme, hein? Je suis filmé, oh cool. Je suis dans le jeu, là. Non, mais son caméraman m'a dit, il dit c'était beau parce que t'avais de l'air tellement intéressé. Là. fait que c'est ça. Je pense que je suis dans un des directs de Talbot sur Facebook. Ah, fait okay. Mais non, annule pas. Mais c'est sûr, il va y avoir du chiolage. Il va en avoir. Mais moi, je m'attends à une belle petite console qui va me permettre de jouer à des jeux qui sont pas mal le fun, notamment dans Nintendo. Fait que non, annule pas ta précommande. Ils ont-tu parlé d'implication des third parties? Non, il n'y a pas eu de présentation formelle. C'était vraiment genre, on est arrivé là, puis c'était comme, Gav, là, tous les stands de jeux, puis ah ouais, va jouer à ce que tu veux. OK. Fait qu'il n'y a pas eu de présentation formelle, rien de ça. Le seul jeu où il fallait que tu ailles comme un billet, là, c'était Zelda, parce que dans le fond, c'était 20 minutes la démo, puis il donnait un billet pour arriver à telle heure, parce que sinon, il y aurait eu trop de monde, là. Fait que moi, j'ai eu un billet là, pour pouvoir l'essayer 20 minutes. Là. Fait que, mais c'est ça. Fait que voilà. Fait que oui, j'ai bien aimé mon expérience, puis j'ai hâte au 3 mars. Mais là, t'en as pas précommandé une. J'ai hâte au 3 mars, pareil. Bon. Nintendo va faire des cadeaux? Peut-être pas, là, je pense pas, là, mais pareil, c'est pas parce que je l'achète pas le 3 mars que... En tout cas, ben, j'en ai deux de précommandées. C'est ça, dans le fond, je vais prendre l'autre. Et voilà, fait que c'est ça qui conclut. Si jamais vous avez des questions sur la Switch ou sur les autres sujets qu'on a abordés, ben, gênez-vous pas sur Facebook ou Twitter. D'ailleurs, messieurs, où peut-on vous retrouver sur le net, monsieur Luc, en premier? Sur Twitter, AskAlazormo. Aussi, j'anime l'émission Ça roule radio avec mon ami et collègue Marc Bouchard. Donc, c'est aussi trouvable sur Twitter à Ça roule radio, sur Facebook à Ça roule radio et bien sur iTunes et Google Play aussi sur le même nom. Et c'est pas mal ça. Right, Joe? Jonathan Turcot sur Facebook ou Astro_Boy3000 sur Twitter. Puis c'est tout. Ouais. C'est chaud. Aussi dans un stationnement de Tim Hortons le 3 mars pour revendre sa console Switch à 700$ et se faire faire la morale par un gars qui y achète. Non. Si je ne vais pas la reporter, je la vends à quelqu'un au prix exact que je l'ai payé. Je sais, je te niaise. Tu parlais que tu avais fait ça dans un stationnement de Tim Hortons pour ta NES. Tu vas faire la même affaire pour ta Switch. Toi, Dan? Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter à DracoADG, sur Facebook, Daniel Carosala. Vous pouvez aussi me retrouver sur affairesdegars.com dans la section techno jeux vidéo. D'ailleurs, ce que j'ai dit de façon audio, je vais le mettre par écrit sur Affaires de gars, donc au niveau de la Switch. Puis je pense que c'est pas mal ça. De notre côté, Réalité Augmentée, on a une page Facebook, Réalité Augmentée. On a aussi un compte Twitter à Réalité Aug. On a une adresse courriel, puis là, Luc, podcast à réalitéhug.com. C'est ça. puis on est diffusé sur différents médiums sur le web. Il y a notamment Radio H2O. On est sur Google Play, sur iTunes, et puis le monde peut écouter l'émission directement sur réalitéhug.com. Oh yeah! Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié le show. Merci, messieurs. Merci à toi, Dan. Merci. Il y a un délai, c'était quand vous vouliez pas me remercier. Hein? Non, on voulait. T'es gêné un petit peu. Ça. OK, c'est ça. On va pas, tu sais, nous autres, on va pas à Toronto. Fait qu'on est moins big que toi. Hein? C'est intimidant. Ouais. Ah, OK. Ouais. Non, je vais le prendre. fait que j'espère que vous avez apprécié le show, chers auditeurs, et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine réalité augmentée. Bye. Bye.